Le fruit défendu par Marie Écart. Madame la marquise est-elle chez elle? Oui, monsieur. Est-elle visible? Non, monsieur. À moins que vous ne soyez monsieur Pierre Formont. C'est moi-même. Monsieur peut monter. Madame la marquise est dans son oratoire. Pierre Formont prit le chemin qu'on lui indiquait comme un criminel qui marche au supplice. Il avait 25 ans, une taille élégante, une figure distinguée qu'en oblissait encore une petite moustache noire, envié par tous les officiers ses camarades, et il ne s'agissait que de passer une heure avec une des plus jolies femmes du faubourg Saint-Germain, veuve âgée de 25 ans comme lui, et dont il avait été le compagnon d'enfance. Mais nous vivons dans une société où la fortune et la position mettent tant de distance d'un individu à l'autre que l'idée de se trouver, lui, pauvre officier en demi-solde, en tête-à-tête avec l'opulente marquise de Siret, effrayait Formont. Le luxe qu'il découvrait à chacun de ses pas dans l'hôtel le décourageait encore. Il éprouvait toutes les petites hontes de la fierté blessée, tous les abattements que donne une redingote vieille, une chaussure commune et des gants fanés, mis en regard avec ce que la fashion a de plus recherché et de plus exquis. La petite livrée du valet qui le conduisait avait plus de valeur que tout son équipage. Peut-être Pierre Formont aurait-il surmonté ses sentiments instinctifs qui ont leur puérilité, si un obstacle d'une autre nature ne devait pas, suivant lui, l'éloigner de la marquise, l'opinion. Nous étions en 1816. Formont revenait de Waterloo. La marquise de Gand, où elle avait accompagné son mari, qui était mort à l'ombre du drapeau blanc. Le jeune officier en demi-solde ne comprenait pas le motif qui avait poussé la marquise à lui assigner un rendez-vous par un petit billet parfumé et scellé de ses armes. Il éprouvait donc un malaise qui redoubla lorsqu'il n'eut plus aucun moyen d'éviter cette entrevue et que son guide en livrée, après avoir ouvert la porte de l'oratoire, eut annoncé « Monsieur Pierre Formont ». La marquise était sur son divan. Jeune et belle, sa chevelure blonde nattée sur sa tête et dans l'attitude impatiente d'une femme qui attend et qui se sait assez jolie pour n'en être pas réduite là. Dès qu'elle vit le jeune homme, elle se leva d'un bond et lui tendit la main à la manière anglaise. « Ah, vous voilà donc enfin, Pierre, c'est fort heureux. » Puis, le faisant asseoir sur le divan et le regardant fixement, « Voilà bien longtemps que nous ne nous sommes vus, mon ami. Depuis 5 ans, depuis le jour de mon mariage. Vous y étiez, vous aviez encore l'uniforme de Saint-Cyr. Tous ces souvenirs me sont présents, et vous les avez oubliés, j'en suis sûr. » Pierre Formont balbutia quelques formules de politesse avec la réserve d'un homme qui craint de tomber dans un piège. « Ah ça, mon ami, lui dit-elle, vous n'aimez pas les Bourbons, madame la marquise. »« Non, vous ne les aimez pas. Vous ne pouvez pas les aimer, vous êtes du peuple. » Et ils donnent à la noblesse une importance qu'elle n'avait pas et qui vous irrite. Votre père est mort pour la République à Marengo, à côté de Desaix. On coursus aux républicains. Vous avez été élevé par l'empereur qui vous a donné votre première épée à Saint-Cyr, la croix à Waterloo. Cette épée, on l'a brisée. Cette croix, on vous défend de la porter. Votre empereur est emprisonné sur un rocher loin du monde. Vous n'aimez pas les Bourbons, c'est tout naturel. Mais il ne faut pas chanter la Marseillaise, mon ami, ni le vieux drapeau, comme vous l'avez fait avant-hier au soir. Comment, madame, on sait? Oui, on sait tout, la police est si active. Oh oui, je vais être emprisonné, envoyé en exil, loin de Paris. Vous ne serez pas emprisonné, mais vous quitterez Paris. Vous irez rejoindre votre corps à Versailles. Mon corps, je suis en demi-solde. Tenez, le ministre de la guerre vous place dans un régiment de votre arme, dans les hussards, avec votre grade. Vous voilà lieutenant en activité. Lieutenant, madame, je ne suis que sous-lieutenant. Eh bien, c'est une erreur de son excellence. Voulez-vous réclamer? Je ne vous le conseille pas, ajouta-t-elle en souriant. Un sentiment de reconnaissance bien naturel dissipa toutes les impressions fâcheuses que Formont avait apportées chez la marquise. Il saisit sa main, qu'il baisa avec ardeur, leva les yeux sur elle et s'aperçut qu'elle était jolie. Il retrouva dans ses traits fins et délicats toutes les grâces et toute la beauté de l'enfant avec laquelle il jouait dans cette belle terre du Berry, où ils avaient été élevés tous deux. Lui, pauvre orphelin, à la charge d'un oncle fermier, elle, riche héritière d'un vaste domaine. La marquise avait disparu. La grande dame, la légitimiste, la femme ultra. Il ne vit plus rien que Claire, sa petite amie d'autrefois, et il allait lui rappeler les jours si doux passés ensemble lorsqu'on annonça une visite. Madame la duchesse de L venait prendre la marquise pour une quête en faveur de je ne sais plus quel séminaire. Le nouveau lieutenant ne put que réitérer ses remerciements et il quitta sa protectrice. Quand M. Formont fut seul, il se demanda jusqu'à quel point il était permis de prendre du service ou des princes qu'il n'aimait pas. Il était sans aucune fortune, ne connaissait que l'art militaire et croyait que le fils d'un colonel mort à Marengo devait nécessairement servir. Si d'ailleurs il n'aimait pas le roi, il aimait la France et serait fidèle au drapeau. Cela suffisait. Il y avait alors dans les régiments un mélange malencontreux d'anciens officiers et de nouveaux serviteurs. Ceux-ci faisaient volontiers valoir leur naissance, quelquefois leur fortune, toujours leur dévouement au roi et au prince. Les autres ne pouvaient pas entièrement répudier les souvenirs de l'Empire, ni l'orgueil de leur gloire passée. De là, des querelles sans fin et des duels de tous les jours. « Monsieur, l'empereur était l'ami de mon père. Il a payé ma pension à Saint-Cyr sur sa cassette. C'est lui qui m'a donné mon premier brevet d'officier. Veuillez, s'il vous plaît, ne pas l'appeler devant moi l'ogre de Corse. » C'était Formont qui, à la fin d'un dîner, parlait ainsi à M. le marquis de K, lieutenant de hussards comme lui, et le plus entêté breton de tout le bocage. « Monsieur, répondit M. de K, vous avez été élevé par un ogre, voilà tout. Vous en avez menti, monsieur le chouan, » s'écria Formont. « Au diable, votre Buonaparte, » dit M. de K, « vous me ferez raison. Vive l'empereur, je suis à vos ordres. » Le duel n'était rien. Formont donna un coup d'épée à son adversaire, mais on le mit aux arrêts forcés et on lui demanda sa démission. Quand il fut libre et à Paris, il se cacha dans un hôtel garni et se garda bien d'aller voir la marquise. Un petit billet vint lui annoncer qu'on l'attendait au faubourg Saint-Germain. « Ma foi, se disait-il en y allant, j'ai été provoqué. Je lui demanderai ce qu'elle aurait fait à ma place. » Madame de Ciré le reçut mieux encore que la première fois. Loin de parler politique, loin de lui demander si son éloignement pour les Bourbons était toujours le même, elle profita de ce qu'ils étaient seuls et sans témoins pour revenir avec lui sur les premiers événements de leur vie, leurs courses dans les prés, les moutons du Berry qu'ils voyaient défiler devant eux par milliers, et parmi lesquels il distinguait lui, le bélier aux cornes recourbées, elle, le petit agneau qui suivait sa mère en bêlant. « À propos, lui dit-elle ensuite négligemment, vous avez eu un duel à Versailles. Ces hussards sont si querelleurs. Vous ne pouvez pas rester dans cette arme, c'est du moins l'avis du ministre de la guerre. Voulez-vous entrer dans les dragons de la garde avec votre grade ? Dans la garde ? Avec mon grade, madame la marquise ? Mais c'est me faire capitaine. Sans doute, mon ami, cela vous convient-il ? Quel dommage, pensait le capitaine Formont, que cette femme soit noble et qu'elle ait 50 000 livres de rente, avec quel plaisir on l'aimerait. Cependant, comme le capitaine était à Paris, il voyait souvent la marquise. On allait au bois ensemble. Le capitaine chantait bien. La marquise touchait du piano comme une artiste. On faisait de la musique. Il y avait trois choses dont on ne parlait jamais de peur de se heurter, sans le savoir et sans le vouloir, amour, politique et religion. La marquise ne disait pas au capitaine qu'elle allait à la cour. Le capitaine lui laissait ignorer qu'il était fort assidu chez un général de l'Empire et chez quelques membres de l'opposition. Un soir, le capitaine Formont rentrait chez lui, lorsque sur le seuil de la porte, son domestique l'avertit mystérieusement que deux de ses amis étaient dans son appartement, et s'était informé s'il rentrait seul. Le capitaine trouva au coin de son feu deux anciens camarades qu'il n'avait pas revus depuis Waterloo. « Nous sommes perdus, lui dirent-ils, poursuivis, traqués, nous n'avons plus d'espoir qu'en toi. »« Eh, mon Dieu !» s'écria le capitaine, « qu'y a-t-il donc ?»« Presque rien. » »« On nous a fait accroire que Lucien quittait l'Italie, Joseph les États-Unis, pour venir en France, tandis qu'en même temps le roi de Rome était enlevé à l'Autriche et Napoléon soustrait aux vengeances que l'Angleterre exerce sur lui à Sainte-Hélène. Il fallait une garde d'honneur, un bataillon sacré pour défendre le fils de l'empereur. On nous a offert d'en faire partie. Nous nous sommes laissés séduire, et les agents provocateurs qui nous ont trompés veulent aujourd'hui nous livrer. Il y va de notre tête, pas davantage. Imprudent, dit le capitaine, « mais que puis-je faire pour vous ?»« Nous donner asile durant quelques heures et nous faire sortir de Paris. » Formont les fit souper, puis il envoya chercher deux fiacres. « Vous allez, dit-il aux deux cochers, passer la nuit ici à boire d'excellents Bordeaux. Vous nous prêterez vos fiacres, vos chapeaux vernis et vos houppelandes. Dans 3 heures, je vous ramènerai vos fiacres et vous aurez 40 francs chacun. Avec plaisir, notre bourgeois. » Les deux conspirateurs revêtirent les houppelandes, se coiffèrent des chapeaux vernis et montèrent sur les sièges, tandis que le capitaine et son domestique, proprement vêtus d'une redingote bourgeoise, occupèrent l'intérieur du fiacre. On quitta Paris par la barrière du Roule, et sur le chemin on fit marcher avec des marailleurs, anciens soldats, qui se chargèrent des deux fugitifs jusqu'au Havre. Du Havre, ils devaient leur faire gagner Boulogne ou Calais. Là, des smugglers les transporteraient en Angleterre. Cela fait, le capitaine et son domestique conduisirent les fiacres jusqu'à Paris, fort désireux d'aller se coucher. Arrivé chez lui, le capitaine trouva plus de buveurs qu'il n'en avait laissé. Son appartement était plein d'agents de police qui, sous prétexte de faire parler les cochers, buvaient avec eux. Ces messieurs achevaient le Bordeaux. Ils en étaient au champagne. On avait ouvert tous les meubles du capitaine et fureté dans tous les coins. Il y a des gens qui n'ont besoin que de 2 lignes de l'écriture d'un homme pour le faire pendre. Les agents de police avaient trouvé chez Formont toute une correspondance mystérieuse qu'avec un peu de bonne volonté on pouvait facilement rendre criminel. Des aigles, un ancien uniforme et une vieille cocarde tricolore, dernier trophée peut-être, du dernier champ de bataille de l'Empire. Il était d'ailleurs avéré, par les aveux des cochers de fiacre, qu'au moment même le capitaine favorisait l'évasion de 2 conspirateurs. Il n'en fallait pas tant pour l'impliquer dans une affaire capitale. Il fut conduit à l'abbaye. Le lendemain matin, Madame la marquise de Siret demanda une audience à Louis XVIII. Le roi lui fit dire qu'il la recevrait à 1 heure. Quand la marquise fut dans le cabinet royal et devant cette table auprès de laquelle était Louis XVIII, tel qu'on peut le voir dans le tableau de Gérard, dont la gravure est devenue populaire, elle se tint debout jusqu'au moment où le roi lui fit signe de s'asseoir, puis elle attendit que Sa Majesté voulût bien l'interroger. « Nous avons rarement le plaisir de voir Madame la marquise depuis quelque temps, » dit le roi. « À quelle bonne fortune devons-nous sa présence ?»« Sire, » lui dit la marquise, « je viens demander à votre majesté son indulgence pour moi et implorer sa clémence pour un brave officier que les apparences seules condamnent. » « Vous n'avez jamais eu besoin d'indulgence, madame la marquise. Parlez, et comptez sur le désir que nous avons de vous être agréable. » « Un capitaine de votre garde, sire, est accusé de conspiration. »« Le capitaine Formont, » dit le roi, en fronçant le sourcil, « je sais tout. »« Permettez, sire, je crois que votre majesté est mal informée. » »« Le capitaine Formont est un homme brave et loyal. Il n'a pas trahi le roi. » Il n'a point forfait à son serment. 2 hommes criminels, 2 conspirateurs, ses anciens camarades, il est vrai, sont venus à son foyer lui demander asile et protection. Il les a sauvés. Fallait-il les livrer? Quel cas votre majesté fera-t-elle d'un officier qui livrerait un hôte, un ami, un suppliant? Si ces malheureux avaient pénétré jusqu'ici, et qu'il vous eût dit, « Sire, nous avons foncé le roi de France, sauvez-nous de sa colère. » Louis eût protégé leur fuite sans en rien dire au roi. La présence du roi sauve, madame. Il n'en est pas de même chez un capitaine de ma garde. Mais le foyer, sire, cet asile inviolable. Vous parlez comme une romaine, madame la marquise, dit le roi, et ces aigles, cette cocarde tricolore, ces insignes de l'usurpateur trouvés chez lui, qu'en direz-vous, madame? Quand le plomb ennemi vous a labouré la tête, sire, on garde l'aigle percé du shako. C'est un trophée qu'on veut montrer à ses enfants et qu'on peut avouer devant tous les rois de la terre. Quand on est un fils d'un colonel tombé à Marengo, on conserve la cocarde de son père mort pour la patrie. Sire, vos fidèles vendéens, que la conscription enrôlait dans les troupes de Bonaparte, portaient la cocarde blanche dans la doublure de leurs habits et votre majesté les en a récompensés. Vous verrez qu'il faudra que je donne la croix d'honneur à ce monsieur, dit Louis XVIII. « Elle est sur de moins nobles poitrines, sire. Cependant, je ne vous demande point de faveur, je demande grâce. Mais quel intérêt portez-vous à ce jeune homme ? Demanda le roi. C'est pour ceci, sire, que j'ai besoin de votre indulgence. Je viens demander à votre majesté de me donner pour époux un capitaine de sa garde, Pierre Formont. Vous voulez l'épouser, madame la marquise ? Vous, fille d'un de mes fidèles, veuve d'un de mes gentilshommes, vous, riche, belle et de bonne maison ? Mais vous n'avez qu'à choisir à la cour, dites-moi quel jeune duc vous agrée, et je vous fais duchesse. Pourquoi vous mésalliez ? Pourquoi passer dans le camp ennemi ? Passer dans le camp ennemi, sire, jamais. Croyez-moi, poursuivit Louis XVIII, abandonnez votre petit bonapartiste, laissez là une union dont tout vous éloigne. Voilà précisément, répondit avec quelque timidité la marquise, ce qui m'a donné l'idée de ce mariage. Ce qui, joint à quelques souvenirs d'enfance, m'a conduite, comme malgré moi, à aimer le capitaine Formont. Me mésallier, changer mon noble nom contre nom du peuple, épouser un pauvre et obscur officier de l'armée de l'usurpateur, pour une femme de la cour, sire, n'est-ce pas là le fruit défendu ? Vous êtes une fille d'Ève, dit le roi en riant. Allez, et ne péchez plus. La marquise avait gagné sa cause. Elle courut à l'abbaye, où elle parvint facilement jusqu'aux prisonniers. Pierre Formont pensa à elle, mais hélas, il n'osait plus espérer, ni en son pouvoir, ni en sa protection. « Soyez la bienvenue, madame la marquise, » dit-il tristement dès qu'il l'aperçut. « Venez-vous m'annoncer que je suis colonel d'un régiment ?»« Non, Pierre, » répondit-elle, « vous quitterez le service du roi de France. Vous changerez de drapeau. »« Je ne veux pas servir l'étranger, madame la marquise. » »« Qui vous parle de l'étranger ?» Vous servirez dans votre pays. Vous aurez un commandement en Berry. Moi, madame. Oui, vous. Mais il vous faudra enrôler quelqu'un dont je vais vous dire le nom. Qui, madame ? Moi. Voulez-vous m'épouser ? Le jeune officier voulut tomber à ses pieds, et sans qu'il pût savoir précisément comment cela se fit, il se trouva dans ses bras. Il se mariera à saint Thomas d'Aquin, en présence de tout Israël, qui voilà sa face de désolation. On passa la longue lune de miel dans la terre du Berry, et depuis 1816, jamais madame Formont ne s'est repentie d'avoir goûté aux fruits défendus. Marie Écart.